La maison de convalescence des vétérans de guerre de la ville de Pyongyang a été inaugurée le 26 à la veille de la fête de la victoire dans la guerre. À la cérémonie d'ouverture, ont pris part des cadres intéressés, vétérans de guerre, bâtisseurs, personnel de la maison et d'autres citadins. Située au pied du mont Lyonghak pittoresque, elle réunit toutes les conditions nécessaires au repos et au traitement des vétérans de guerre.